إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 16 dans l'explication de Sharh Fadl al-Islam. Et on est arrivé donc au cours numéro 16, comme je disais, et on commence un nouveau chapitre. باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne ce verset dans ce chapitre. Le verset, c'est dans Sourate Ar-Rum, le verset 30. Et il a été traduit donc dans la traduction du Coran en français. On trouve la traduction suivante. Toutefois, on va lire la traduction, mais en même temps, après, le Cheikh Al-Fawzan, il donne le tafsir. On va voir que la signification dans le tafsir est un peu plus élaborée, plus vaste que la signification dans la traduction en français. Quand tu lis une traduction en français, c'est comme si en réalité tu prenais une sorte de cliché de ce que peut signifier le verset, mais c'est pas la signification complète de tout ce que le verset peut signifier, d'accord? Donc c'est pour ça que des fois, quand on se limite à une traduction, on peut pas avoir le vrai sens de ce qui est écrit en réalité dans le Coran en arabe. Ça nous donne juste une idée de qu'est-ce que ça peut signifier, ou une des significations que le verset peut avoir. Et c'est pour ça que quand on lit le tafsir, on peut approfondir un peu plus sa compréhension. Donc le cheikh, il dit, dirige ton être, donc il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Si tu lis dans le verset, c'est écrit fa'aqim wajhaka. Dirige ton visage vers la religion exclusivement pour Allah et la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, pas de changement à la création d'Allah. C'est, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, c'est-à-dire la fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Ensuite il dit la tabdila li khalqillah, il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. ذلك الدين القيم, voilà la religion de la droiture. ولكن أكثر الناس لا يعلمون, mais la plupart des hommes ne savent pas. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce verset, il dit Masha'Allah. باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Donc ça c'est le verset au complet que le cheikh il a mentionné. Nous on avait juste mentionné la première partie. منيبين إليه, revenez repentant vers lui, craignez-le et accomplissez la salat, et ne soyez pas parmi le nombre des associateurs, les mushrikines, ceux qui ont divisé leur religion, ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chacun parmi eux exultant, yani, ils se réjouissent de ce qu'ils possèdent ou de ce qu'ils détenaient. Donc le cheikh il explique ça, il dit يأمر الله جل وعلا نبيه بهذه الأمور في هذه الآية الكريمة والشيخ رحمه الله يريد بذلك أن يذكر ما فيها في تفسير هذه الآية الكريمة. أي نعم بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. يريد أن يذكر ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من الأحاديث النبوية والآثار المروية. يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله فأقم وجهك أي أخلص عملك. فإقامة الوجه وإسلام الوجه معناه إخلاص العمل، كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne donc dans ce verset, il ordonne à son prophète dans ces versets là certaines choses qu'il doit accomplir, qu'il doit faire. Et le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qu'est-ce qu'il veut en mentionnant ce verset-là? Il veut mentionner en fait l'explication ou l'interprétation de ce verset, yani, et également il veut mentionner les hadiths nabawiyyah qui sont mentionnés justement au sujet de ce verset-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant fa'aqim wajhaka. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre son visage droit, de mettre son visage droit, et dans le sens que de diriger son visage vers la religion ad-din yani hanifan, c'est-à-dire comme on va l'expliquer, c'est-à-dire tu rends ton adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le Cheikh Al-Fawzan il explique que aqim wajhaka, ça a une signification plus spécifique, dans le sens que ça veut dire akhlis amalaka, c'est-à-dire rends tes actions pures uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de diriger notre visage, d'établir notre visage, de la mettre droite ou de soumettre notre visage, tout ça, ça signifie quoi? Ça signifie de rendre tes actions pures pour Allah seul. Comme Allah il dit dans le verset 112, dans Surat Al-Baqarah, c'est celui qui a soumis son visage à Allah alors qu'il est muhsin, qu'il est bienfaisant, alors sa récompense incombe à son Seigneur. Il aura sa récompense auprès de son Seigneur et il n'aura nulle crainte ni tristesse. Et donc, ici, dans ce verset-là, d'établir son visage ou de soumettre son visage, ça signifie la même chose, de purifier tes actions. Purifier tes actions pour qu'elles soient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il dit, أَسْلَمَ وَجْهَهُ يَعْنِي أَخْلَصَ عَمَلَهُ مِنَ الشِّرْكِ وَهُوَ مُحْسِنْ أَيْ مُتَّبِعٌ لِلرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وأخلص عمله أيضا من البدع والمحدثات. فإذا اجتمع هذان الشرطان الإخلاص لله بالنية والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم في العمل انتفى عن العمل الشرك وانتفى عن الاتباع عن الابتداع في الدين وانتفى عنه الابتداع في الدين وهذا هو الذي يقبله الله عز وجل. فأقم وجهك للدين الدين الذي أمرك الله به وهو عبادة الله وحده لا شريك له والدين هو التوحيد وهو العمل وهو الصلاة والصيام وجميع ما شرعه الله من العبادات فهذا هو الدين القيم. هذا وصف للدين أي المعتدل الذي ليس فيه غلو وليس فيه تساهل بل هو دين قيم معتدل بين طرفي الإفراط والتفريط كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. مستقيما يعني معتدلا بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء. هذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit soumet ton visage, c'est-à-dire purifie tes actions du shirk et وهو محسن, tout en étant محسن, c'est-à-dire tout en suivant l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il a purifié également ses actions, non seulement du shirk, mais également il a purifié ses actions de toute forme d'innovation et de toute forme d'invention dans la religion. Donc lorsque ces deux conditions-là sont réunies, c'est-à-dire quelqu'un a purifié son adoration pour Allah seul, il a purifié son intention pour Allah seul, et il a suivi l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la pratique et dans l'action, alors à partir de ce moment-là, on peut dire que cette action-là, elle est purifiée, elle est exemptée de toute forme de shirk, et en même temps, on a éloigné ou nié complètement toute forme d'innovation dans cette action-là, toute forme d'innovation dans la religion. Donc, on a nié le shirk, on a rejeté le shirk et on a rejeté les bid'ah, les innovations. Et ça, c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Et c'est lorsque l'action respecte ces deux conditions-là. Que l'action, elle est faite avec sincérité pour Allah et qu'elle n'est pas faite avec des innovations ou des bid'ah. En accord avec la sunna. Donc, le shaykh, il dit ça, c'est la religion qu'Allah va accepter. Donc, quand il dit, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينَ يعني, ça c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de suivre. Il t'a ordonné de purifier tes actions pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah lui seul et de rien associer avec lui. Donc la religion c'est quoi? La religion c'est le tawhid. La religion c'est l'unicité d'Allah. Et c'est l'action également, c'est-à-dire tout ce que tu fais comme adoration, comme la salat, le jeûne et toutes les autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré comme adoration. Tout ça, ça fait partie de la religion. Et quand on dit Al-Qayyim, ça veut dire que c'est une description, une caractéristique de cette religion-là, c'est qu'elle est Qayyim, c'est-à-dire Mu'tadil. C'est-à-dire qu'elle est équilibrée, cette religion-là. Elle n'est pas dans l'extrémisme et elle n'est pas dans le laxisme. Hein? Donc, on ne tombe pas dans aucune des formes d'extrémisme. C'est une religion équilibrée entre le fait de faire trop et d'exagérer, ou de diminuer et de tomber dans le laxisme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, le shaykh, il dit, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Donc il mentionne ce verset dans Surat Al-An'am 153. Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Hein? Donc quand on dit un chemin droit, مُسْتَقِيمًا, c'est-à-dire un chemin qui est mu'tadil, qui est équilibré, qui ne tombe pas dans l'exagération ni dans le laxisme, entre al-ghulu ou al-jafa, le fait de faire trop ou de ne pas vouloir faire assez ou suffisamment. Et ça, c'est la religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers. Et le dernier d'entre eux qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَقَوْلُهُ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا الْحَنِيفُ مَعْنَاهُ الْمُقْبِلُ عَلَى اللَّهِ الْمُعْرِضُ عَمَّا سِوَاهُ. وفي الآية الأخرى فأقم وجهك للدين القيم والحنيف والقيم معناهما واحد وهو المقبل على الله والمعرض عما سواه فلا يدعوه مع الله. Donc le cheikh explique ensuite, donc mets ton visage droit, hein, dirige ton visage vers la religion qui est hanif, c'est-à-dire purifie tes actions, hein, et adore Allah subhanahu wa ta'ala avec la religion qui est hanif. Hanif, ça veut dire qu'est-ce qui se dirige, le fait de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala et de se détourner de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les choses que les hommes adorent. Hein? Donc, ça c'est la signification de al-hanif. Al-hanif, tu te tournes, tu te diriges vers Allah et tu t'éloignes de tout ce qui est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre verset, dans ce verset, c'est فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا. Et dans l'autre verset, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ الْقَيِّمِ. Donc là, le premier verset, c'est الدين, hein, لِلْدِينِ حَنِيفًا. Et dans le deuxième, لِلْدِينِ الْقَيِّمِ. La religion qui est قَيِّم, on a expliqué tout à l'heure que قَيِّم, ça veut dire مُعْتَدِل, équilibré. Mais en même temps, le cheikh, il dit que حَنِيف et قَيِّم dans ce verset, en réalité, il signifie les deux la même chose. C'est-à-dire que tu te diriges vers Allah subhanahu wa ta'ala et que tu t'écartes de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tu ne vas pas invoquer personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أي أن هذا الدين وهذا الإسلام هو فطرة هو الفطرة التي خلق الله الناس عليها. فالفطرة هي دين الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في الإنسان أنه مسلم وأنه مفطور على الإسلام، وهو إخلاص الدين لله عز وجل، وهذا هو الأصل فيه. فإذا انحرف فالانحراف طارئ عليه بسبب التربية السيئة التي يربيه عليها والداه. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il explique la suite du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il a créé l'être humain naturellement incliné vers cette religion là. C'est sa nature sur laquelle Allah les a créés, c'est-à-dire il les a créés sur cette religion là à la base, c'est-à-dire sur l'islam. Donc la fitra en réalité c'est quoi? C'est l'islam. C'est le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes avec cette nature là au fond d'eux-mêmes. Et donc c'est l'islam. Et donc la fitra c'est l'islam et c'est la religion sur laquelle Allah a créé les hommes. La fitra de la religion de l'islam, c'est ça. Donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit: chaque nouveau-né, il naît sur la fitra. C'est-à-dire il naît sur l'islam, sur le tawhid. Hein? Et ce sont ses deux parents qui par la suite le font devenir juif, ou le font devenir chrétien, ou le font devenir majus, ou n'importe quel autre par la suite parmi les religions, si on comprend le hadith. Ensuite, donc le cheikh il explique que la base chez l'homme, chez l'être humain, c'est qu'il est musulman, il est muslim, il est sur le tawhid, il est sur l'unicité d'Allah. Il a été créé comme ça, ça fait partie de sa nature. Hein? Et ça fait donc c'est quoi? C'est le fait de purifier notre religion pour Allah seul. Et c'est ça l'origine et la base. Ensuite, le cheikh il dit donc que, c'est-à-dire que cette religion-là, c'est de, comme on a dit, purifier notre adoration, c'est la base. Et lorsque l'être humain a dévié, qu'il s'est détourné de ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est entré en lui, dans le sens que c'est quelque chose qui est apparu en lui après la base, avant l'avènement de quel prophète? Oui, c'est valable pour tous les prophètes. Pour la venue de tout. Parce que l'islam, elle n'est pas seulement venue avec le prophète Ibrahim alayhi salam. L'islam, elle est venue depuis Adam alayhi salam. Hein? Le premier des messagers des prophètes, c'est Adam alayhi salam. Ensuite, Nuh. Et Nuh, c'est le premier des messagers qui a été envoyé avec l'islam après l'apparition du shirk sur la terre. Donc, tous les messagers que Allah a envoyés à l'humanité, même avant Ibrahim et après Ibrahim et jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont tous venus avec le tawhid, sont tous venus avec l'islam. Na'am, pour toutes les naissances, tous les enfants sont nés sur le tawhid à la base. Toutes les naissances, tous les enfants. Parce que c'est la fitra de l'homme. C'est la nature sur laquelle Allah a créé l'être humain. Et c'est pas spécifique à une naissance en particulier ou une époque en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est la nature sur laquelle il a créé tous les hommes. Hein? Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. C'est-à-dire, il a créé tous les hommes sur cette nature-là. Donc il n'y a pas d'autre nature pour l'homme que cette nature. Et donc, on peut comprendre que si un individu a dévié de sa nature, c'est une déviation qui est apparue alors qu'elle n'était pas là auparavant. C'est quelque chose qui est venu après. D'accord? Elle n'était pas là au début. Et donc, elle est venue, cette déviation-là, à cause d'une mauvaise éducation, du fait que cet enfant a été éduqué par ses parents qui l'ont fait dévier par la suite. Ou bien l'environnement, parfois c'est l'environnement. Mais c'est la même chose. Même si c'est un endroit où il n'y a pas eu de prophète, le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il est clair. Il dit, l'enfant, il est né sur la fitra et c'est ses parents qui le font changer. Donc, à la base, il est musulman. Il est sur l'islam. Il est sur le tawhid. Mais par la suite, il est dévié par son environnement. Donc s'il naît dans un environnement où il n'y a pas d'islam du tout, où il n'y a pas de science du tout, alors là c'est autre chose. Yani, il va grandir sur ce qu'il connaît dans sa société et il va être dévié à cause de ça. En fait, c'est pas suffisant. Cette fitra en elle-même, par elle-même, c'est-à-dire que c'est sûr que la fitra, c'est quelque chose que Allah a mis en le cœur de chacun, mais c'est pas suffisant pour établir la preuve contre l'être humain, puisque c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des messagers avec des livres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Il ne va pas châtier des hommes, excepté jusqu'à ce qu'il ait envoyé un messager. Du moment qu'il a envoyé un messager, et que les gens ont entendu les arguments et les preuves, et qu'ils ont rejeté le message, là, par la suite, ils seront, on peut dire que la preuve a été établie contre eux, ou lorsqu'ils ont entendu le message, ou lorsqu'ils ont lu la révélation, ou entendu la révélation, ou entendu le messager. Donc dans ce cas-là, le message est établi, la preuve est établie. Mais si c'est des gens qui vivent dans une région ou dans un endroit où on n'a jamais entendu parler des prophètes et des messagers d'Allah, et où quelqu'un ne connaît pas du tout qu'est-ce qui a rapport avec la révélation, ceux-là ne seront pas châtiés jusqu'à ce qu'ils aient eu une épreuve ou un messager qui va leur être donné. Et comme c'est mentionné dans certains hadiths, que Allah subhanahu wa ta'ala, pour ces gens-là, il va faire en sorte qu'il y ait un test ou une épreuve spéciale pour eux au jour de la résurrection. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner un test spécial et donc ils seront éprouvés, mais ils ne seront pas bien entendu punis avant d'avoir reçu le message. D'accord ? Donc si c'est sur ce plan-là, c'est clair. Parce que c'est justement, il y a beaucoup qui posent la question sur ce sujet-là. Des gens qui ont pas reçu le message de l'islam, qui n'ont pas entendu parler de l'islam, c'est sûr que ce sont des kuffars. Mais leur sort dans l'au-delà, qu'est-ce qui leur est réservé? Seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Parce que, comme il l'a dit dans le verset, il ne va pas châtier des gens qui n'ont pas reçu le message. Parce que la preuve n'a pas été établie contre eux encore. D'accord? Donc le cheikh il dit ensuite, يُهَوِّدَانِهِ يجعلانه يعني يهوديا وينصرانه يجعلانه نصرانيا ويمجسانه يجعلانه يعني مجوسيا فوالداه يغيران فطرته التي فطره الله عليها ويدل هذا على أن الإنسان مفطور على الإسلام في الأصل وهو إخلاص العمل والعبودية لله عز وجل ولو سلم من التربية السيئة والوالدين الكافرين لاتجه إلى دين الإسلام واتبع الرسل ولكنه ينحرف بسبب الدعاة إلى الضلال. الشيخ يقول donc c'est quand on dit يهودانه, il les fait devenir des yahoudes, il les fait devenir des juifs, c'est-à-dire les deux parents de cet enfant le font devenir juif. Parce qu'eux-mêmes sont juifs, ils le font quitter sa nature pour devenir juif. Ils lui font quitter le christianisme pour le faire devenir chrétien. Ils lui font quitter ils lui font quitter l'islam pour le faire devenir chrétien. Ils le font quitter sa nature, c'est-à-dire l'islam pour le faire devenir majus, ainsi de suite, pour les autres religions ou les autres croyances. Ou même l'athéisme aussi. Hein, si ses parents sont athées, ils vont l'éduquer dans l'athéisme. Et donc ça prouve quoi? Ça prouve que l'être humain, il a été créé comme ça, sur l'islam à la base, à l'origine. Et c'est-à-dire le fait de purifier nos œuvres et d'adorer, de vouer notre adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si l'homme était épargné, ou disons, si l'homme était épargné, ou bien disons qu'il n'avait pas reçu une mauvaise éducation de la part de ses deux parents qui sont mécréants, alors cet homme-là ou cet individu se serait directement ou naturellement dirigé vers l'islam et vers la voie des messagers. Mais étant donné qu'il a été dévié à cause des gens qui appellent à l'égarement, il quitte sa fitra et il suit autre que la voie des messagers. Donc ça c'est très important de le comprendre comme il faut, et c'est quelque chose qui doit nous inciter à faire plus d'efforts dans la da'wah pour inviter les gens à l'islam. Le fait de savoir que ça fait partie de leur nature, de leur fitra, que cette religion-là, c'est leur fitra. Le fait qu'on explique à des gens le tawhid, peu importe leur religion, on doit savoir que ça, à l'origine, c'était leur religion, c'était leur fitra, c'est leur base. Ils ont été créés comme ça. Donc, quand ils entendent le message de l'islam et que l'islam leur est présenté correctement, dans sa pureté, dans toute sa réelle signification, et qu'on leur explique les fondements de la religion musulmane, c'est certain que ça, ils le ressentent dans leur cœur et qu'ils comprennent que c'est la vraie religion. Même s'ils ne vont pas l'admettre au premier coup, même s'ils ne vont pas vouloir le reconnaître verbalement, mais au fond de leur cœur, ils ne pourront rien trouver contre cette religion-là et cette base-là. Hein? Donc c'est pour ça, commencer par le tawhid, c'est la base. Si par la suite, il y a beaucoup de koufars, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Ils aiment poser des questions sur certains éléments de la religion qui font partie des règles de l'islam. Puis ils essaient de t'éloigner justement, de parler de qu'est-ce qui est plus fondamental. Comme par exemple, ils vont te poser la question sur la polygamie ou sur la lapidation ou d'autres sujets. Alors, il faut toujours les ramener au tawhid, tout le temps. Parce que eux, ils veulent se détourner de ça. S'ils acceptent le tawhid, ils sont obligés d'accepter le reste après. Mais s'ils acceptent ces éléments-là, mais ils n'ont pas accepté le tawhid, ça ne sert à rien. En fait, les athées, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous explique la réalité des athées dans le Coran, c'est que ce sont des gens orgueilleux et fiers, qui en réalité dans leur être, au fond de leur être, ça fait partie de leur fitra, comme on l'explique maintenant. Ils sont déjà à la base musulmans, ils reconnaissent l'existence d'Allah, ça fait partie de leur nature. Donc toi, tu dois en fait essayer de combattre cet orgueil et cette arrogance qu'ils ont eux-mêmes, qui font qu'ils refusent d'admettre verbalement l'existence de Dieu, alors qu'au fond de leur cœur, ils l'acceptent déjà. C'est seulement par orgueil et par fierté qu'ils refusent de le dire avec leur bouche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ça à propos de Pharaon. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Ils ont nié l'existence d'Allah, il a nié Allah, mais au fond d'eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Donc ça, c'est Allah qui nous dit ça à propos de ces gens-là. Donc, il faut arriver à leur faire reconnaître ça. Et ça prend du temps, bien entendu, mais il y a tous les signes d'Allah qui sont des éléments de preuve. Tout ce qui existe, il n'y a rien dans la création qui existe, excepté que c'est une preuve de l'existence d'Allah. Et en chaque individu, lui-même, s'il regarde son corps, comment il est créé, il peut savoir que Allah existe. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wafi anfusikum. Hein? Donc, tout ce qui est là, tu regardes le soleil, la lune, le ciel, les astres. Tu veux amener quelqu'un à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ar-rububiyya, tawhid ar-rububiyya, tu lui dis, va prendre un cours de biologie. Et dis-toi, est-ce que tout ça, là, ça s'est créé tout seul? S'il sort de ce cours de biologie-là, il n'a pas compris que ça ne peut pas se faire tout seul, alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui est aveugle. Hein? Donc, Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, wa-hua. Même les professeurs eux-mêmes, des fois, j'ai discuté avec des professeurs, ils savent la réalité, mais ils ne veulent pas l'admettre. Moi, j'ai eu des discussions avec un professeur de biologie, il s'est mis en colère avec moi à la fin. Mais pendant longtemps, il a toujours été calme, toujours calme avec moi. Il ne voulait jamais sortir de lui-même, comme on dit. Mais un jour, j'ai piqué à un endroit où ça lui a vraiment fait un peu mal. À partir de ce moment-là, il a sorti son vrai visage. Et là, j'ai vu que le dragon qu'il cachait en dedans, là, il est sorti, il n'était pas content. Parce que il a reconnu la réalité que il ne peut pas nier la vérité que Allah existe et que c'est lui qui a tout créé. Hein? Ouais, il a prétendu dans le Coran, Pharaon, Allah, il dit, il s'est prétendu qu'il était qu'il était Allah ou qu'il était Rabbukum al-A'la, comme Allah il le dit, mais il le dit ça par orgueil seulement. Il n'y croit pas. Il le sait très bien que c'est pas vrai. Hein? Et comme Nimrod, lorsque Ibrahim est venu, il a dit Rabbi yuhyi wa yumit, mon Seigneur c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Lui il vient Nimrod, il se pense fier, il dit moi aussi je fais vivre et je fais mourir. Il a fait venir deux hommes il a dit, toi tu meurs, et l'autre il l'a laissé vivre. Il a dit, tu vois, ana ahyi wa umit. Alors, Ibrahim lui a donné un autre exemple qu'il ne peut pas réfuter. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait lever le soleil à l'ouest et qui le fait coucher à l'est. Alors, essaie de faire lever le soleil à l'est. Et là, hein? Oui. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il a dit, le soleil se lève à l'ouest et il se couche à l'est, c'est ça? Non, il se couche à l'ouest et il se lève à l'est. Donc il lui a dit, fais le contraire, si t'es capable. Et là, il était bouche bée, il ne pouvait plus rien dire. Donc, avec les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui dis à ce mécréant-là, qui ne croit pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis, tu penses que toi, yani, tu n'as pas besoin de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ton corps, toi-même, tu ne sais même pas comment le contrôler, ou l'arrêter, si. Yani, tu as une envie, par exemple, tu es obligé d'aller. Tu ne peux pas décider de stopper ça, même ton cœur, hein. Il bat tout seul. Est-ce que c'est toi qui le fais battre? Il y a tellement de signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là. Yani. Ça, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Ça, c'est écrit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Furqan. Dans Surat Furqan, وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. C'est ça. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Ça veut dire, et ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent, si seulement on avait fait descendre sur nous des anges, ou si nous pouvions voir notre Seigneur. En effet, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes et ont dépassé les limites de l'arrogance. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Ce jour-là, pour les injustes, ils, les anges, diront « barrage totalement défendu ». Donc ça veut dire, est-ce que tu as besoin de voir Allah subhanahu wa ta'ala pour croire en lui? Si tu as besoin de dire que il faut le voir pour croire en lui, ça veut dire que tu veux pas croire. C'est pas parce que tu crois pas, tu veux pas croire. Parce que les preuves sont là devant toi, hein? C'est pas possible que tu dises par la suite, ah non, je veux le voir, sinon je vais pas croire. Ça c'est de l'arrogance, c'est de la fierté, hein? C'est de l'orgueil. C'est pas que cette personne-là, elle sait très bien et elle croit au fond d'elle-même, mais elle refuse de le reconnaître. C'est la réalité de la mécréance. Après, qu'est-ce qu'il dit le shir? Donc il dit que ensuite il dit ثم قال لا تبديل لخلق الله لا أحد يخلق إنسانا على الشرك أبدا ولا يستطيع أحد أن يخلق إنسانا على الشرك بل الله سبحانه وتعالى خلقه على التوحيد ولا أحد يستطيع أن يغير هذا الخلق وإنما يغير المخلوق ليس هناك إنسان يخلق إلا على دين الإسلام وهذا جاء في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة فهل ترى فيها جدعة أي كالشاء التي تولد كاملة الخلقة سليمة الأطراف سليمة من العيوب لها أذنان ثم أهلها يجدعونها يعني يشقون أذنها فلا تجدون شاة تولد مشقوقة الأذن بل تخلق كاملة الخلقة ثم أهلها يجدعونها أي يشقون أذنيها ويغيرونها بعد الخلق يغيرون المخلوق لا يغيرون الخلق أبدا. Donc le cheikh, on va essayer d'expliquer cette explication là, c'est très intéressant. Le cheikh il continue la suite du verset dans sourate Ar-Rum. Il dit puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la tabdila li khalqillah. Il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. C'est-à-dire n'y a personne qui peut créer un homme sur le shirk, qui est créé à la base sur le shirk. Personne n'est capable de créer un homme qui va être né sur le shirk. Il dit, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala a créé tous les hommes sur le tawhid. Et personne n'est capable de changer ça dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut uniquement changer la créature après qu'elle soit, hein, qu'elle soit créée, qu'elle soit venue au monde. Mais il ne peut pas créer la nature, il ne peut pas changer la nature dans laquelle cet homme-là a été créé. C'est ça ce que ça signifie. Parce qu'en français, c'est difficile de faire comprendre la différence entre al-khalq ou al-makhlouq. Al-khalq, c'est la créature, hein, ou la création, puis al-makhlouq, c'est la créature. Donc c'est ça. Donc personne ne peut changer la création, mais on peut changer la créature une fois qu'elle a été créée. Donc c'est ça que ça signifie. Donc il n'y a personne qui peut créer un homme qui va être créé sur autre chose que l'islam. Et c'est ça que le hadith mentionne, même dans le hadith qui est rapporté, qu'on a mentionné tout à l'heure par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Donc ses deux parents, ils le font devenir juif ou chrétien ou majus. Et il a donné l'exemple comme un animal. Lorsqu'il vient au monde, cet animal, il va mettre... C'est-à-dire que ses parents l'ont mis au monde, il est complet dans sa création. Il n'est pas né avec une imperfection ou quelque chose qui manque, qu'on lui a fait. Et le cheikh, il donne l'exemple. Il dit, c'est comme un mouton, par exemple. Quand le mouton, il naît, il est né dans une création complète. Il est né dans une création complète dans le sens que il a tous ses extrémités et il n'a pas de défaut en lui, dans le sens qu'on ne lui a pas troué les oreilles ou des choses de ce genre. Puis c'est les gens qui possèdent ce mouton qui vont lui trouer les oreilles par la suite. Okay? Tu ne vas pas trouver un mouton qui naît les oreilles trouées déjà. Même un enfant, quand les filles par exemple, on leur met des boucles d'oreilles, quand elles naissent, elles sont toutes petites, on leur fait des trous pour leur mettre des boucles d'oreilles. Est-ce qu'il y a une fille qui naît avec les trous déjà faits dans leurs oreilles? Hein? Non, c'est les êtres humains qui ont fait le trou. Donc la même chose pour les animaux, dans le sens que ça c'est la création d'Allah et tu ne vas pas la trouver créée. Et donc c'est ça l'exemple que le cheikh a expliqué le verset de cette façon-là avec le hadith en disant que le mouton, il vient, quand il naît, il n'est pas troué, il n'a pas les oreilles trouées. Il est créé complètement, puis c'est ceux qui le possèdent par la suite qui vont lui trouer les oreilles. Ils vont changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il change la créature, pas la création. Hein? Ils vont changer la créature après qu'elle ait été créée déjà. Donc, la yurayyirun al-khalq abadan, ils vont jamais changer la création en elle-même, dans sa nature, dans sa façon d'être. Donc, il y a un exemple, une fois quelqu'un mentionnait, je pense que je l'avais mentionné déjà, c'est un exemple que j'avais lu dans un texte. C'est comme, il parlait de la sélection naturelle, la théorie de Darwin là, qui parle de sélection naturelle et tout ça, puis par rapport à le changement d'une espèce à l'autre et tout, comment se produit les soi-disant évolutions. Et non, c'est pas ça, c'est pas Harun Yahya, c'est un égaré, qu'Allah nous préserve. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que il disait que lorsque il y a des changements qui se reproduisent, parce que ils expliquent dans cette théorie là que l'environnement produit des effets sur les animaux, dans le sens qu'ils s'adaptent à cet environnement là comme par exemple ils vont dire, bon, si y a un animal qui a un bec long, c'est parce que à force d'essayer de chercher sa nourriture dans un trou, son bec est devenu de plus en plus long avec le temps, puis il s'est développé comme ça. Donc ça c'est un peu ridicule de penser ça, mais quelqu'un a donné l'exemple. Il dit, regardez le peuple de Bani Israël et des musulmans, depuis combien de siècles ils se font circoncire Et malgré tout, il n'y a jamais un enfant qui est né circoncis après tous ces après tous ces siècles. Donc, il donnait un exemple pour dire, est-ce que vous pensez que le simple fait qu'un oiseau va continuer à essayer de prendre sa nourriture dans un trou, là, ça va faire un changement comme ça après des... Il dit, non, mais ça prend des milliards d'années, ouais, même ça, même des milliards d'années, subhanallah. Parce que quand tu regardes, par exemple, la réalité de ça, ça implique des choses vraiment compliquées. Ça implique qu'il y a un changement dans les gènes et que ces gènes-là se retrouvent dans les gamètes, c'est-à-dire dans les cellules qui sont dans les cellules reproductrices et que quand elle est reproduite, par exemple, dans la progéniture vive et que ça soit reproduit d'un petit à l'autre et que ça continue comme ça, puis que ça crée des changements. En fait, c'est des mutations qui supposément se font, que ces mutations-là sont faites dans les gamètes et qu'après, elles se sont transmises chez les progéniteurs de cette espèce. Puis, à chaque fois comme ça. C'est complètement ridicule et absurde, mais moi, je me demande comment ces koufars, quand ils parlent de ces théories, comment ils font pour en être convaincus, puisque ça... C'est évident que c'est pas logique. Oui, c'est comme par exemple l'écureuil qui il y a une catégorie ou une espèce d'écureuil qui vole. Elle saute d'un arbre à l'autre et elle vole pas, mais elle plane, hein? Elle plane ou elle flotte, hein? Elle plane. Et donc ils ont dit ça, c'est un oiseau. En fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée et il continue toujours de créer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, kullu yawmin huwa fi sha'n. Hein? Chaque jour, il règle des affaires dans cette création. Hein? Donc, il élève des créatures, il rabaisse d'autres. Et chaque fois, on découvre même des nouvelles espèces encore aujourd'hui. Hein? Donc, c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à créer. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que par rapport à... Oui, l'écureuil qui vole, c'est ça. C'est qu'ils ont fait, sur un site internet... Une en fait, pour se moquer un peu des gens qui croient à la théorie de l'évolution, ils ont pris l'oiseau l'écureuil qui commence à sauter à chaque fois qu'elle tombe, puis finalement à la fin, après je sais pas combien de milliers d'années, elle a commencé à pousser des ailes, hein, des exemples. Non, mais en même temps aussi c'est ridicule parce que souvent ils parlent de l'origine de l'homme, ils disent qu'à l'origine l'homme était un singe. Non, plutôt que... Ils ne disent pas que à l'origine l'homme est un singe. Ils disent que l'homme et le singe ont un descendant commun ou une origine commune. Un ancêtre commun, oui. Donc, ouais, peu importe bon, comment ils l'appellent. L'important, c'est que ce singe-là, qui était soi-disant notre ancêtre commun-là, c'était qui son ancêtre à lui. Hein? Et c'est pour ça que tu regardes chaque fois que tu recules, de plus en plus loin, tu te dis, mais d'accord, si à l'origine des hommes et des singes, il y avait un singe commun qui était notre ancêtre, l'ancêtre de ce singe-là, c'était quoi? C'était un poisson, hein? Ou des je sais pas quoi encore, si tu recules. Et puis avant le poisson, c'était quoi? Un tétard, ou je sais pas, et après une molécule, et ainsi de suite. Donc, c'est facile quand ils essaient de donner des images comme ça, surtout parce qu'ils apprennent ces théories-là à des enfants qui sont des fois au secondaire. En secondaire 2, on apprend la première fois, on apprend la théorie de l'évolution en histoire. Puis après, en biologie, ils nous en reparlent par la suite. Mais c'est pour dire qu'ils donnent ces notions-là et ils donnent certaines petites portions de cette théorie-là aux enfants parce qu'ils n'ont pas assez de bagages ou de connaissances pour être capables de la réfuter à cet âge-là. Mais plus tard, quand tu regardes l'histoire tout au complet, puis si on te présente les arguments comme il faut, tu vois que ça peut pas tenir. Ouais, c'est ça. Il y en a qui disent, ouais. C'est exactement. Il y a des hommes vraiment, franchement, qui, comme tu dis, Allah Musta'an, c'est eux qui deviennent des singes maintenant, des fois. Bon, après, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh? Il dit, donc, où est-ce qu'on était rendu? Ouais. Donc, il dit donc, ok. Falatu jadushat, tuladu mashkuqatul uzun, bal tukhlaqu kamilatul khilqa. Donc, comme on a dit. Et donc, on ne peut pas changer la création. Elle est telle qu'elle est. Donc il dit فالشات تولد كاملة بأذناها وقرونها وأظلافها وأطرافها فإن حصل لها عرج أو جدع في قرنها أو أذنها فإن هذا من تصرف الإنسان وهكذا لا تبديل لخلق الله. التبديل إنما هو للمخلوق أما الخلق خاص بالله عز وجل لا أحد يتدخل في ذلك. Ça c'est important de comprendre ça. Parce que tu vas lire le verset, il n'y a pas de changement à la création d'Allah. Hein? Comment tu vas expliquer ça? Le cheikh, il explique bien, alhamdoulilah. Il dit, il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. La créature, elle peut être changée, mais la création elle-même, elle ne peut pas être changée. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé de telle façon. Donc le mouton, il est créé comme ça, et si on n'a pas fait des trous dans ses oreilles, avec, on n'a pas percé ses oreilles, ils ne vont jamais être percés. Hein? La même chose pour le reste de ses membres. Excepté s'il est handicapé, Allah l'a créé handicapé, donc ça c'est autre chose. Hein? Mais c'est la même chose, s'il est créé handicapé, tu ne peux pas lui rajouter qu'est-ce qui lui manque. Hein? Donc Allah, tel qu'il a créé, il est créé comme ça. C'est l'être humain par la suite qui va changer cette création-là, cette créature. Donc, en ce qui concerne la création, elle est particulière et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Et personne n'a quelque chose à dire là-dedans ou rien à faire dans cela. Après, le cheikh dit ذلك الدين القيم. Donc, ça, tout ça, il a donné l'exemple pour faire comprendre que l'homme, à la base, il est créé sur le tawhid. Il n'y a rien qui le fait quitter cette base ou cette origine-là et cette nature-là qu'il a en lui-même, excepté ses parents qui le détourne du tawhid par la suite. ذلك الدين القيم الذي ذلك الذي أوحاه الله إليك. ذلك الذي أوحاه الله إليك هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه. الدين القيم أي المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط ولكن أكثر الناس لا يعلمون يجهلون هذا الدين ولذلك يقعون فيما يقعون فيه من الضلال والانحراف وإلا فالدين القيم مستقيم وإن حصل الانحراف فهو من تصرف الناس ولكن أكثر الناس انظر إلى قوله أكثر الناس أكثر فهو يفيد أنه لا يحتج بالكثرة إذا كانت على ضلال وعلى خطأ وإنما يحتج بمن كان على الحق ولو كان قليلا فلا يحتج بمن كان على الباطل ولو كان عددهم كثيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون الدين القيم ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الإخلال بهذا الدين والانحراف عنه. الشيخ يقول donc que ça c'est la religion droite, hein, la religion qui est équilibrée. Ça c'est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée sur toi, c'est-à-dire sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est de rendre notre adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors de lui. Ad-dinul qayyim, la religion qui est mustaqim, qui est droite, qui est équilibrée. Il n'y a pas de choses croches dedans, des détours, hein, des tournants. Il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de laxisme. Hein? Il n'y a pas tu dépasses la limite, tu rajoutes trop, ou bien tu enlèves, tu ne fais pas assez. Voilà, qu'il y a أكثر الناس لا يعلمون. Mais la plupart des gens, ils ne savent pas. Ils ignorent cette religion. La plupart des hommes, ils ignorent cette religion. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'ils tombent dans quoi ils tombent parmi les formes d'égarement et de déviation. Parce que sinon, la religion, elle est claire et elle est droite. Et si quelqu'un tombe dans une déviation quelconque ou dans une forme d'égarement quelconque, alors ça, c'est parce que les gens se sont tournés eux-mêmes de la vérité. Et il dit que la majorité des hommes, quand on dit, regarde, quand Allah dit « Aksar », Aksar, ça veut dire la majorité ou le plus. Quand tu dis en arabe Akbar, ça veut dire plus grand. Aksar, ça veut dire plus. Akbar, ça vient de Kabir. Kabir, ça veut dire grand. Akbar, ça veut dire plus grand. كثير ça veut dire beaucoup. أكثر ça veut dire plus. Hein? Donc, ou plus, ou la plupart. Donc ici, أكثر, أكثر الناس, ça veut dire la plupart des hommes, hein, qui ne savent pas. Et donc ça, ça implique quoi? Le cheikh, il dit que ça, ça implique qu'on ne peut pas se baser sur la quantité ou sur le grand nombre pour établir que quelque chose est vrai ou bon. Hein? Même si, par exemple, si on voit que des gens sont en grand nombre entre eux, ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est correct. Et donc, le cheikh, il dit, on ne doit pas se baser sur la quantité, si la quantité est sur l'égarement ou sur l'erreur. On se base uniquement sur la vérité, même si c'est un petit nombre. Hein? Et donc, il dit, on ne va pas se baser sur le faux. Hein? On se base pas comme, on n'utilise pas comme argument ou comme preuve ceux qui sont sur le mensonge ou la fausseté, même si leur nombre est grand. C'est-à-dire la majorité des gens, ils ne savent pas la religion de l'équilibre qu'on vient d'expliquer, et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans l'égarement dans lequel ils sont tombés et pourquoi ils se sont déviés. Hein? Ça c'est le deuxième verset que le cheikh explique maintenant. Bon, je ne sais pas quelle heure il est maintenant, si vous voulez on peut s'arrêter. Ok, d'accord. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, étant donné qu'il y avait l'Aqiqa et tout, on n'a pas eu le choix, on devait s'arrêter. Mais bon, alhamdulillah, ça a été quand même intéressant et très bénéfique. Et puis on fait que Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ça, puis de faire que on a l'occasion de continuer, inshallah, dans cette voie, bi'idhnillah, et profiter de ce qu'on a appris. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك